B ou V. 1. Vol. Vol. 2. Avis. Habit. 3. Bas. Va. 4. Voir. Boire. 5. Vent. Banc. 6. Vous. Vous.